إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons la lecture de l'épître de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, au sujet de la différence entre le conseil et le dénigrement. Nous avons vu dans le cours dernier que parmi les différences entre le conseil et le dénigrement, il y a le fait que le croyant qui souhaite conseiller son frère suite à un péché ou une erreur qu'il a commise, il ne divulgue pas son péché, mais il le conseille en privé. On a vu que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils réprouvaient dans cette situation que le conseil soit fait publiquement. Et on a vu que ceci n'est pas valable de manière absolue, mais que cela concerne celui qui dévoile les défauts de son frère dans le but de le rabaisser et de l'humilier. Et comme on l'a mentionné à plusieurs reprises depuis le début de la lecture de cet ouvrage, ces paroles que nous avons lues ne concerne en aucun cas le domaine de la mise en garde contre les innovateurs ou les pécheurs qui sont pris pour modèle au sein de la communauté. Cela, il est permis de dévoiler leurs erreurs publiquement, et ce, dans le but que les gens ne se laissent pas tromper et qu'ils ne les suivent pas dans l'erreur. Donc ceci fait partie des exceptions à cette règle que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a très bien précisé à la fin de l'introduction de cet ouvrage que nous avons lu dans un cours précédent. Donc nous nous sommes arrêtés au dernier cours, aux paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui nous expliquait l'interdiction de divulguer et de propager et de diffuser les défauts et les péchés des musulmans. On a vu l'explication du verset de Sourate An-Nur à ce sujet, et différentes paroles de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Donc s'il en est ainsi concernant les musulmans de manière générale, que dire de ceux qui diffusent et propagent les défauts et les erreurs ou les péchés de gouverneurs musulmans et prétendent ainsi les conseiller? Il n'y a pas de doute que ceci s'oppose à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et avant cela, à ce que nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que celui qui a un conseil à adresser au gouverneur, qu'il lui adresse en privé et qu'il ne le fasse pas publiquement. Et ceci est prouvé par de nombreux hadiths. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَأَمَّا الْحَامِلُ لِلْفَاجِرِ عَلَى إِشَاعَةِ السُّوءِ وَهَدْكِهِ فَهُوَ الْقُوَّةُ وَالْغِلْذَةِ » Ici, il nous explique ce qui pousse le pervers à propager le mal et à le divulguer. Et il nous dit qu'il est poussé à cela en raison de sa rudesse, de son inimitié ou de sa malveillance. Et il dit وَمَحَبَّتُهُ إِذَا أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ, et le fait qu'il aime porter atteinte à son frère croyant. وَإِدْخَالَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ, et il aime lui causer du tort. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de telles caractéristiques. Car l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite وَهَذِهِ صِفَةُ الشَّيْطَانِ الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران. Il dit, telle est la caractéristique du diable, celui qui embellit aux enfants d'Adam la mécréance, la perversité et les péchés, afin qu'ils fassent partie des gens du feu. Tel est l'attribut du diable, aimer causer du tort et porter atteinte aux croyants. C'est le diable qui aime cela. Et pour cela, il embellit aux enfants d'Adam la mécréance, il leur enjolive les péchés, il leur enjolive la perversité, et ainsi de suite, afin qu'ils fassent partie des gens du feu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc celui qui aime causer du tort à ses frères, qui aime leur porter atteinte, qui se réjouit de la divulgation de leurs péchés, de leurs défauts et de leurs erreurs, il est semblable au shaytan. Ensuite, il dit, rahimahullah, كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Tel est l'objectif du diable, que ses partisans et ses suiveurs fassent partie des gens de la fournaise. Et pour ce faire, il cause du tort, il porte atteinte aux enfants d'Adam, en leur enjolivant la mécréance, la perversité et les péchés. Car en les menant à cela, il les mène à la voie de l'enfer, wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue de nous expliquer la similitude qu'il y a entre le pervers qui divulgue les péchés des musulmans et le diable. وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Il dit رحمه الله, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir raconté le récit du diable avec le prophète d'Allah Adam alayhi salam, et comment il a rusé contre lui jusqu'à le faire sortir du paradis. Après cela, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. C'est-à-dire qu'il les a poussés dans le péché jusqu'à rendre visible leur nudité. Donc celui qui divulgue les péchés et les défauts des musulmans, il est semblable au diable. Il veut rendre visibles les défauts des musulmans. Il veut rendre visibles leurs péchés. On voit donc à travers cela la gravité de cet acte. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine cette partie en disant « Fashattan bayna man qasduhu al-nasiha wa bayna man qasduhu al-fadhiha. » Il y a donc une grande différence, un fossé, entre celui dont l'objectif est de conseiller et celui dont l'objectif est d'humilier. Celui qui voit son frère faire un péché ne va pas le dévoiler, mais lui parle en privé, afin de l'appeler au repentir et qu'il se corrige. Tel est son objectif. Tandis que le pervers, son objectif ce n'est pas que cette personne se réforme ou se corrige, au contraire. Il se réjouit de le voir tomber dans le péché, et il s'empresse d'aller divulguer ce péché, wal'iyadu billah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « وَلَا تَلْتَبِسُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِلَّا عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ الصَّحِيحَةِ » Il dit « Le conseil et l'humiliation, ils ne peuvent être confondus si ce n'est par ceux qui n'ont pas une raison saine. » C'est-à-dire que celui qui a la raison saine, de lui-même il va comprendre qu'il ne convient pas de divulguer les péchés que son frère a commis. Et que s'il veut le bien pour lui, alors il le prendra à part afin de le conseiller, de l'appeler au repentir et à se corriger. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé le passage suivant « Faslun fil uquba » au sujet de la sanction, c'est-à-dire la sanction de celui qui dénigre son frère en raison de son péché, afin de le rabaisser, de l'humilier. Ou alors de la sanction de celui qui poursuit les défauts des musulmans afin de les divulguer. Ou alors la sanction de celui qui propage la turpitude parmi les croyants et divulgue leurs péchés et leurs défauts. C'est cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner dans ce passage qui est très important. Et j'attire votre attention une fois de plus que ceci concerne le fait de dévoiler les péchés d'une personne afin de l'humilier et de le rabaisser. Et que la mise en garde contre les gens de l'innovation et des passions ne rentre pas dans ce qui est visé par l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans la mention de ces textes. Il dit, rahimahullah, وَعُقُوبَةُ مَنْ أَشَاعَ السُّوءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَتَتَبَّعَ عُيُوبَهُ وَكَشَفَ عَوْرَتَهُ أَنْ يَتَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَيَفْضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالتِّرْمِذِي مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Il dit la sanction de celui qui propage le mal au sujet de son frère croyant et qui poursuit ses défauts, c'est-à-dire qu'il l'espionne, qu'il cherche à connaître ses défauts afin de les divulguer, de les propager, de le rabaisser, de l'humilier. La sanction de celui qui propage le mal au sujet de son frère croyant, qui poursuit ses défauts et dévoile ses péchés, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala poursuivra ses défauts et le dévoilera même si c'est au fond de sa demeure. C'est-à-dire que lui, même ses défauts qui étaient cachés à la base, ils seront dévoilés en guise de sanction. En guise de sanction du fait qu'il a poursuivi les défauts de ses frères et sœurs, qu'il les a espionnés, qu'il a cherché à connaître leurs erreurs et leurs faux pas dans le but de les dévoiler. Celui-ci, sa sanction sera que ses propres défauts soient dévoilés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa akhrajat tirmidhi min hadithi wathilata ibn al-asqa' ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qal la tudhhiru shamatata bi akhik fayu'afiyahu Allah wa yabtalik. Et Tirmidhi rapporte de Wathila ibn al-Asqa' d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit: ne montre pas de réjouissance quant à la situation de ton frère, c'est-à-dire lorsqu'il tombe dans un péché, dans une épreuve, dans une faiblesse, qu'il fait un faux pas. Ne montre pas de réjouissance quant à la situation de ton frère, car Allah pourrait le prémunir et t'éprouver. C'est-à-dire que lorsqu'un musulman est éprouvé, que ce soit par un péché ou par une difficulté, tu ne dois pas le dénigrer en raison de cette calamité qui l'a touché. Tu ne dois pas te réjouir de ce qui lui est arrivé et le divulguer aux gens en t'en réjouissant. Ceci n'est pas un comportement digne du croyant. Comme on l'a mentionné dans un cours précédent, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient un de leurs frères ou une de leurs sœurs tomber dans un péché, ils s'en réjouissent et s'empressent d'aller le divulguer. La question que tu dois te poser, c'est: est-ce que toi, si tu étais tombé dans ce péché ou dans cette erreur, ou dans cette difficulté ou dans cette situation, est-ce que tu aurais aimé que l'on agisse ainsi envers toi? Est-ce que tu aimerais que des gens poursuivent tes défauts et aillent les divulguer aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique: nul parmi vous n'aura la foi, c'est-à-dire la foi complète, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il est donc obligatoire pour le croyant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. De la même manière que tu aimes que tes défauts et tes erreurs et tes péchés soient cachés, tu dois aimer cela pour tes frères. Et de la même manière que tu réprouverais que quelqu'un parle de tes défauts et parle de tes péchés, tu dois réprouver cela pour tes frères et sœurs. Donc le fait de se réjouir du péché commis par un musulman ou de l'erreur commise par un musulman et de s'empresser de la divulguer afin de le rabaisser, de le dénigrer, ceci est un comportement qui n'est pas digne du croyant et qui s'oppose à la perfection de la foi. Car le fait de se réjouir des erreurs et des péchés des musulmans, ceci est le comportement des pervers et des hypocrites. Car le croyant, lorsque son frère tombe dans un péché, il s'attriste. Il est triste pour lui. Et il aimerait qu'il ne soit pas tombé dans ce péché, qu'il ne soit pas tombé dans cette erreur. Il souhaite pour lui le bien, le repentir, la réforme, et non pas l'humiliation et le rabaissement. Donc on a ici dans ce hadith: ne montre pas de réjouissance quant à la situation de ton frère, car Allah pourrait le prémunir et t'éprouver. Celui qui se réjouit des péchés de son frère ou des péchés de sa sœur, nous lui disons alors: te sens-tu à l'abri? Penses-tu que toi, tu ne peux pas tomber dans ce péché? Penses-tu que toi, tu ne peux pas commettre cette erreur? Penses-tu que toi, tu es à l'abri de cette situation? La personne, elle doit craindre pour elle-même. Lorsque tu vois quelqu'un tomber dans un péché, tu dois dire « Alhamdulillah, alladhi afani, louange à Allah qui m'en a préservé. » Et tu invoques pour ton frère, tu invoques pour ta sœur, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les aide à se repentir. Mais tu ne te réjouis pas. Tu ne t'empresses pas de divulguer leurs péchés. Car celui qui fait cela, il n'est pas à l'abri d'être éprouvé et de tomber lui-même dans ce péché. Donc les gens de science ont dit que ce hadith, bien qu'il ne soit pas authentique, mais que ce soit un hadith faible, qui a été jugé ainsi par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, son sens est authentique. Car il y a de nombreuses preuves qui nous indiquent dans le Coran et la Sunna l'interdiction de causer du tort aux croyants. Et parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Hujurat, lorsqu'il dit: Ya ayyuha alladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa', asa an yakunna khayran minhun. Ô vous qui croyez, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Il fait donc partie des droits des croyants les uns envers les autres. Que les uns ne se raillent pas des autres. Que ce soit par la parole, ou par les gestes, ou toute autre chose, pouvant manifester une forme de mépris à l'égard de ton frère croyant. Tout ceci est interdit. Il n'est pas permis de mépriser tes frères et sœurs. Car celui qui méprise ses frères et sœurs, ceci indique qu'il est imbu de sa personne, qu'il se pense supérieur, qu'il a été touché par la vanité. Il pense être supérieur aux autres. Alors qu'en réalité, il se peut que celui dont il se raille est meilleur que lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset. Il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. Il se peut qu'elle soit meilleure qu'elle. Et telle est la situation dans la majorité des cas. Car la moquerie, elle ne peut provenir que d'une personne dont le cœur est imprégné de mauvaises qualités. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La moquerie, c'est la manifestation d'un cœur souillé. D'un cœur souillé par les mauvais caractères, par les mauvais comportements. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il suffit à un homme comme mâle de mépriser son frère musulman. Allahu Akbar. Il suffit à un homme comme mâle de mépriser son frère, de se sentir supérieur à lui. Donc celui qui se raille des pécheurs, qui se moque de son frère lorsqu'il commet un péché, qui le rabaisse et le dénigre, il l'a certes méprisé et il est tombé dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans ce verset. Et médite ici sur un point très important. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans ce verset la moquerie. Et cette interdiction, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse notamment aux croyants à qui Allah subhanahu wa ta'ala a couvert les péchés. Il ne doit pas prendre en raillerie celui dont les péchés ont été dévoilés ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il a couvert tes péchés. Toi comme moi, nous savons que nous commettons tous des péchés. Et ce n'est pas sous prétexte que un tel, ses péchés ont été dévoilés que nous sommes meilleurs que lui. Nous, nos péchés, ils ont été couverts. Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés en nous couvrant d'un voile qui a caché nos péchés. On doit donc faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Car il n'y a pas de doute que si nos péchés étaient dévoilés, alors nous serions méprisés et humiliés par les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait miséricorde. Il a caché nos péchés. On doit donc être reconnaissant pour ce bienfait. Et ne pas mépriser, ne pas dénigrer, ne pas rabaisser, ne pas se moquer de ceux dont les péchés ont été dévoilés. D'autant plus que comme il est venu dans ce verset, il se peut que celui dont les péchés ont été dévoilés soit mieux que toi. Il se peut que ce péché qui a été dévoilé soit pour lui dans l'au-delà une cause d'un grand bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il se peut que le dévoilement de son péché soit une cause pour le mener au repentir, pour se réformer, pour améliorer sa situation, et qu'il fasse preuve de piété à l'avenir, et qu'il prenne garde à ne plus retomber dans ce péché. Contrairement à celui dont les péchés ont été cachés, il se peut que ceci soit pour lui la cause d'un grand mal dans l'au-delà. Il se peut que le fait que ses péchés soient cachés le pousse à persister dans ses péchés, à s'entêter dans le faux et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'au final donc, il soit pire que celui dont le péché a été dévoilé. D'autant plus que tu ne sais pas qui parmi nous verra ses péchés pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ce pécheur, dont les péchés ont été dévoilés, se soit déjà repenti d'un repentir sincère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait pardonné. Puis après quelqu'un vient, le prend en raillerie, se moque de lui, le méprise, le rabaisse, alors que lui il s'est repenti et qu'il n'a plus de péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a interdit de prendre en raillerie les croyants, hommes et femmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis pour le croyant de se moquer d'un croyant, que ce soit en raison de sa pauvreté, ou d'un péché qu'il a commis, ou en raison de ses origines, en raison de sa couleur ou toute autre chose. Tout ceci est interdit, comme le démontre ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par un appel général aux croyants. « Oh vous les croyants, qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe !» Puis ensuite, il a précisé l'interdiction en disant « Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. » Les gens du tafsir ont dit qu'il a spécifié la mention des femmes après cela, car la moquerie est une chose qui est très répandue chez elles. Wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous réformer et d'améliorer nos situations. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَخَرَّجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ » Et Tirmidhi a aussi recueilli le hadith de Mu'adh, la parole suivante attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait dit « Celui qui dénigre son frère au sujet d'un péché qu'il a commis, il ne mourira pas sans l'avoir commis. » On a déjà vu ce hadith dans le cours précédent. On a mentionné que ce hadith, bien que sa chaîne de transmission soit faible, son sens est considéré par les savants comme étant véridique. Et ceci est une chose réelle que l'on peut observer. C'est-à-dire que celui qui dénigre son frère en raison d'un péché qu'il a commis, bien souvent, ce dernier se fait éprouver par ce même péché. Comme on a dit, nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri des péchés. Nul parmi nous ne doit se croire infaillible. Nul parmi nous ne doit penser que sa place au paradis est gagnée. Mais les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion. Il dit ensuite, rahimahullah, وَقَالَ الْحَسَنُ رحمه الله كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. Et Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit « On disait, celui qui dénigre son frère en raison d'un péché dont il s'est repenti, il ne mourra pas sans qu'Allah ne l'éprouve par ce péché. » Allahu Akbar. Il dénigre son frère au sujet d'un péché qu'il a commis, alors que ce dernier s'est repenti de son péché. Alors sa sanction pour avoir dénigré son frère, c'est qu'il soit lui-même éprouvé par ce péché. La rétribution est semblable aux œuvres. Celui qui est malfaisant, il est rétribué en fonction de sa malfaisance. Comme tu fais, on te fera. Donc la sanction de celui qui dénigre son frère, qui veut le rabaisser, qui mentionne ses péchés passés, c'est que lui-même, il se fasse éprouver par ses péchés. Et combien de fois on a vu cela de nos yeux? Des gens qui dénigrent leurs frères et sœurs, qui les dénigrent en raison de leurs péchés, qui disent « Oui, mais celui-ci, avant, il faisait cela. Avant d'être sur la sunna, il faisait tel et tel péché. Avant d'être musulman, il faisait ceci et cela. Oui, mais lui, il a commis tel et tel péché. Oui, mais elle, elle faisait ceci et cela comme péché. » Et ainsi de suite. Il dévoile le passé des musulmans. Ceci est fréquent. Beaucoup de personnes font cela sans se rendre compte de la gravité de leurs paroles. Ses frères et sœurs se sont repentis. Ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala, ont emprunté le chemin de la droiture, ont délaissé leurs péchés. Qui es-tu pour leur rappeler? Que recherches-tu en rappelant leurs péchés? Que recherches-tu en parlant de leur passé, duquel ils se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala? Comme on a dit, ceci est la manifestation des souillures qui se trouvent dans le cœur de cette personne en raison de son mauvais caractère et son mauvais comportement. Et sa sanction est qu'il risque lui aussi de se faire éprouver par ces mêmes péchés. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit ensuite « وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ فِي ضَعْفٍ الْبَلَاهُ مُوَكَّلْ بِالْمَنْطِقِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِرِضَاعِ كَلْبَهُ لَرَضَعَهَا » Et on rapporte le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, avec une chaîne de transmission comportant certaines faiblesses. L'épreuve dépend des propos. Si un homme dénigrait un homme qui aurait allaité une chienne, alors il l'allaiterait lui-même. Donc ce hadith, il est composé de deux phrases. La première est « L'épreuve dépend des propos ». Donc bien que ce hadith soit faible, cette première phrase, elle est confirmée de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, d'une autre chaîne de transmission dans une autre narration. L'épreuve dépend des propos. Ce qui est visé par cela, c'est qu'il se peut qu'une personne prononce une parole et soit atteinte par une épreuve qui correspond aux propos qu'elle a prononcés. Et afin que ce soit plus clair, je vais mentionner un exemple qui est une chose qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un jour entré auprès d'un homme qui était malade. Il est venu lui rendre visite. Il lui a alors dit, « La basse, Tahurun inshallah. Il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, sois optimiste. Tu es malade, mais pense du bien, il n'y a pas de mal. Ceci est une purification, inshallah. En effet, la maladie, si le croyant fait preuve de patience, c'est une purification de ses péchés, une purification de ses faux pas, une purification de ses erreurs, de ses désobéissances, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il est malade, il doit faire preuve d'optimisme et espérer le bien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ces paroles, l'homme répondit « Mais non, c'est plutôt une fièvre en ébullition qui fait souffrir un homme âgé et qui lui fera visiter les tombes, c'est-à-dire qui le fera mourir. » Il a eu une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait preuve de pessimisme et n'a pas voulu voir le bon côté des choses. Il a dit « C'est plutôt une maladie qui va me faire mourir. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Qu'il en soit alors ainsi. » Les gens de science ont dit que ceci est un blâme de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison du pessimisme dont a fait preuve cet homme et de son manque de patience. Ou alors, une invocation. Quoi qu'il en soit, ceci nous montre que les paroles de la personne peuvent être la cause pour qu'une épreuve l'atteigne. C'est pour cela que l'homme doit faire attention et prendre garde à ne prononcer avec sa langue que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu la base concernant les paroles, on a vu que la base est de se taire et de ne parler si ce n'est pour dire du bien. Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si la parole que tu souhaites prononcer est un bien, alors prononce-la. Si c'est un mal, alors abstiens-toi. Et si tu ne sais pas, alors tais-toi. Car rien n'équivaut au salut. Tu ne regretteras pas ton silence. Par contre, une parole, tu pourrais longtemps la regretter. Car combien de paroles ont mené des gens à leur perdition? Donc cette première phrase, c'est « L'épreuve dépend des propos ». C'est-à-dire que les propos d'une personne, comme on a dit, elles peuvent être la cause pour qu'il soit atteint par une épreuve qui correspond à ce qu'il a prononcé. Et la deuxième phrase, c'est que si un homme dénigrait un homme qui aurait allaité une chienne, donc c'est une chose invraisemblable, malgré tout, il l'allaiterait lui-même. Ce qui est visé par cela, c'est de montrer que celui qui dénigre son frère, il risque de se faire éprouver par la même chose. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ » Et le sens de ces propos ont été rapportés d'un groupe parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. En effet, on rapporte d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit « Si je me moquais d'un chien, je craindrais de devenir un chien. » C'est-à-dire, en guise de sanction, étant donné que je me moque de lui, je craindrais d'être transformé en chien. Donc que dire de celui qui se moque d'un croyant qui commet des péchés? Il n'y a pas de doute qu'à plus forte raison, il risque de se faire éprouver par ce péché. Donc ceci a pour but de nous avertir contre le danger de la moquerie. Car celui qui se moque des croyants, il se peut qu'il soit éprouvé et tombe dans ce quoi est tombé celui dont il s'est moqué. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Celui qui se moque des gens, on se moquera de lui. Et celui qui dénigre son frère en raison d'un acte qu'il a commis, il sera éprouvé par celui-ci. Et ceci est inévitable. » Ceci est inévitable. Donc tous ceux qui dénigrent leurs frères et sœurs en raison de leurs péchés, en raison de certains actes qu'ils ont commis, en raison d'épreuves par lesquelles ils ont été touchés, ils sont en grand danger s'ils ne se repentent pas de leurs propos et de leurs dénigrements. Car ils risquent eux-mêmes de se faire éprouver. Ils risquent eux-mêmes de tomber dans les péchés. Ils risquent eux-mêmes de commettre ces mauvaises actions. Et l'obligation pour le croyant, comme on a dit, c'est d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu dois toujours avoir ce hadith devant tes yeux lorsque tu t'apprêtes à agir d'une certaine manière à l'égard de tes frères et sœurs. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Aime pour ta sœur ce que tu aimes pour toi-même. Lorsque tu t'apprêtes à prononcer une parole à leur sujet, pose-toi la question. Est-ce que j'aimerais que l'on dise cela de moi? Lorsque tu t'apprêtes à leur faire quelque chose, pose-toi la question, interroge-toi. Est-ce que j'aimerais que l'on me fasse cela? Ceci est très important. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et il va de soi qu'inversement, tu dois détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَمَّا رَكِبَ ابْنُ سِيرِينَ الدَّيْنَ وَحُبِسَ بِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِنِّي أَعْرِفُ الذَّنْبَ الَّذِي أَصَابَنِ هَذَا عَيَّرْتُ رَجُلًا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. Et lorsqu'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, a été submergé de dettes et qu'il a été enfermé, emprisonné en raison de cela, c'est-à-dire qu'il a été éprouvé par le fait d'être lourdement endetté, au point d'être emprisonné. Il a dit, rahimahullah, je connais le péché pour lequel j'ai été atteint par cette épreuve. J'ai dénigré un homme il y a 40 ans et je lui ai dit, oh ruiné. Allahu Akbar. J'ai dénigré un homme quand? Il n'a pas dit j'ai dénigré un homme hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier. J'ai dénigré un homme il y a 40 ans. Je lui ai dit, oh ruiné. Et lui-même s'est retrouvé ruiné, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez la gravité du dénigrement des musulmans. Ne te sens pas à l'abri. Tu risques toi aussi d'être éprouvé tôt ou tard si tu dénigres tes frères et sœurs. Si tu les rabaisses en raison de leurs péchés. Si tu les prends en raillerie. Si tu te penses supérieur à eux. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avilisse. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous éloigner de ces mauvais comportements qui, comme on a dit, ne sont pas des comportements dignes des croyants. Donc on voit à travers tout cela que le musulman qui souhaite conseiller, il doit prendre garde à ne pas rabaisser les gens, à ne pas les mépriser, à ne pas les dénigrer. Mais son objectif à travers son conseil ne doit être que la réforme de la personne. Et ainsi il sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il est sincère dans ce conseil et qu'il l'adresse d'une manière légiférée. Mais celui qui dénigre, celui qui prétend conseiller mais qui en réalité cherche à rabaisser, à humilier, alors celui-ci, il est en grand danger et il risque de se faire éprouver ici-bas par les mêmes choses qu'il a reprochées à ses frères et sœurs. On a donc terminé ce passage et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le passage suivant dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous met en garde contre une des plus graves formes de dénigrement. On verra les détails à ce sujet dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.